suis un homme de goût. Sur le mur observé dans ces tableaux, l'ange virginal et tout, l'ange déchu pleurant son destin, le jeu de la grâce qui en nous se tient. Sa face en moi s'efface, j'ai gardé tous ses membres intacts. Je veux jouer avec grâce, mais les meilleurs tombent au dernier acte. Et l'enfant en nous caché sème du pain sur les pavés. Passer l'église où l'on décrasse tous nos péchés de croix lasse. En bas des sentiers, les filles sont légères. Traverser le fleuve où l'eau se fait noire. Sur la rive, chercher mon histoire cachée sous les fougères. Toute action réclame son témoin. Comme le loup adore l'agneau, comme l'œil invite au jeu. Que l'ange déchu soit vu pour pleurer. Je suis sa face, un homme en moi de goût s'efface. Un corbeau mange sur les pavés. Je suis un homme de grâce.